Je veux que tout change. C'est une semaine cinéma dans les ateliers de la nuit. Et l'atelier fiction convoque un esprit, celui de Marcel Pagnol. Pagnol est celui qui fait passer le cinéma du muet au parlant. Il dit « Ah oui, les cigales font du bruit, j'enregistrerai le bruit des cigales. Et si le Mistral et les cigales font tellement de bruit qu'ils couvrent la voix des acteurs, ça prouvera que le bruit du Mistral et le bruit des cigales sont plus importants que la voix des acteurs. » Pagnol met le son, conserve l'accent, et un siècle après, Christophe Fiat part à Marseille s'imprégner de son spirit, de cet esprit qui a mis le Sud sur écoute, qui a révélé ses sons et qui disait « Être muet, c'est une infirmité, comme être boiteux. Un boiteux guéri ne boite plus. Un cinéma qui peut parler, on ne le fera plus taire. » Le cinéma se met à parler. Spirit of Marcel Pagnol de Christophe Fiat, lecture par Stanislas Nordet. Bonjour, Marie. Bonjour. Le petit sait que tu es ici? Non. J'ai réfléchi longtemps avant de venir, j'avais peur. Et j'avais raison. Peur de quoi? Je t'aime toujours, Fanny. Toujours comme avant. Même plus qu'avant. France Culture et Théâtre Ouvert présentent La Radio sur un plateau. Ce soir, Spirit of Marcel Pagnol de Christophe Fiat, dit par Stanislas Nordet. Enregistré en public à Théâtre Ouvert à Paris le 5 mai 2014. Cette soirée est dédiée à la mémoire de Jacques Tarroni. On est à Londres en 1930. C'est l'après-midi, il est 14 heures. On voit un homme d'une impressionnante musculature avec des biceps de lutteur. Il est dans une salle de cinéma luxueuse, le Palladium. Il est au premier rang du balcon. Il regarde une comédie musicale américaine de Harry Beaumont, produite par la MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer, qui s'intitule Broadway Melody. Il est subjugué, il est fasciné, il est dérouté, il est troublé. Pourquoi ? Dans ce film, tout est sonore du début à la fin. Voilà, ça parle. En effet, sur l'affiche, on peut lire « Singing, talking, dancing ». Oui, on entend la voix des acteurs. Surtout celle de l'actrice principale, Bessie Love, dont il dit que lorsqu'elle sanglote, on croirait entendre un petit chien aboyant dans un tonneau. Sans doute pense-t-il au fox terrier du sigle de la compagnie gramophone His Master's Voice. L'animal s'appelle Nipper et il est justement enterré en Angleterre, dans le Surrey. Alors, dans le bateau qui le ramène en France, l'homme se dit que c'est un signe du destin, parce que ce petit chien est mort en 1895, qui est l'année de l'invention du cinéma, avec la projection du film des frères Lumière, arrivé d'un train en gare de la Ciotat, mais aussi l'année de sa naissance. L'homme est né un 28 février 1895 à Aubagne. De retour à Paris, il retrouve ses amis et leur raconte ce qu'il a vu. Et il dit qu'un film qui produit du son offre des ressources nouvelles, pour la musique, pour les bruits et pour la voix. Il explique que pour la première fois, des auteurs dramatiques pourront réaliser des œuvres que ni Molière ni Shakespeare n'ont eu le moyen de tenter, surtout Shakespeare. Parce que cet homme est auteur et metteur en scène et qu'il a en ce moment à l'affiche une pièce qui remporte un grand succès, mais aussi parce qu'il a été professeur d'anglais. Voilà, il considère le dramaturge élisabéthain comme le plus vaste génie que l'humanité ait jamais produit. Alors, tout le monde est contre lui. Les cinéastes qui ne veulent pas renoncer au cinéma muet et les écrivains qui disent qu'il est un renégat, il se sent très seul, mais rien ne l'arrête. Puis, il rencontre un Américain, qui s'appelle Robert T. Kane et qui est surnommé Bob Kane. Il est le directeur de la succursale française de la Paramount et il a un bureau au 6e étage du boulevard des Capucines. Il possède aussi des studios à Saint-Maurice qui sont les mieux équipés de France et il supervise la construction de nouveaux plateaux et de laboratoires de développement à Joinville-le-Pont. Les deux hommes se comprennent tout de suite. Parce que Bob Kane est justement en France pour développer le cinéma parlant. Alors le Texan, Bob Kane, est originaire du Texas, et le Provençal, Aubagne est en Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône, déjeunent ensemble. On les entend qui disent ça. « Vous voulez me parler de théâtre ?» dit le Français. « Non, pas du tout », lui répond l'Américain. « Alors pourquoi vous m'avez invité ?» dit le Français. « Parce que vous avez une bonne gueule et que vous parlez parfaitement notre langue. » Quelques semaines plus tard, leur relation est familière et le Français découvre les studios de la Paramount. C'est une véritable usine à rêves dans laquelle on ne pénètre qu'avec une carte spéciale. Alors il devient l'ami de Gary Schwartz, le régisseur général, qui lui apprend toutes les techniques de développement. Les bacs, les tireuses de pellicule dans la pénombre, le traitement du négatif, le travail sur l'image et surtout la prise de son. Rien ne l'arrête. Puis un jour, Bob Kane lui propose d'acheter les droits de sa dernière pièce. Son idée est d'en faire un film parlant qui sera certainement un triomphe mondial. Il a même en tête un réalisateur qui travaille à Hollywood. Le Français est surpris parce que la pièce en question est un drame méditerranéen qui se passe à Marseille et qui n'est guère exportable. Mais en même temps, comme le cinéma parlant l'obsède, il est partant. Cette pièce s'intitule « Marius ». Marius comme le consul romain, 7 fois consul, Caius Marius, né en 157 avant Jésus-Christ et mort en 86 avant Jésus-Christ, mais aussi Marius comme le personnage des blagues marseillaises. En voici une. Marius et Olive se rencontrent sur la Canebière. Le premier dit à l'autre « Je veux ouvrir un restaurant, j'en ai assez de ces pizzerias, vive la vraie cuisine marseillaise, j'ai même trouvé un lieu et une enseigne, je vais l'appeler « Mes couilles Mickey ». Tu es fada, Marius, ça ne marchera jamais. Et pourquoi pas Olive ? Il y en a bien un qui s'appelle Ma queue Donald. Oui, c'est bien un Marius, derrière lequel se dissimule Marcel Pagnol. Oui, c'est lui. Cet homme à l'impressionnante musculature et des biceps de lutteur n'est autre que Marcel Pagnol en personne, en chair et en os, celui que rien n'arrête. Alors, Marcel Pagnol propose à Bob Kane d'engager Rému pour le rôle de César, le patron du bar de la Marine, parce que cet acteur fait partie de sa compagnie théâtrale, et aussi Oran de Mazis pour le rôle de Fanny, parce qu'en plus d'appartenir à sa troupe, elle est son amoureuse. Mais le Texan pense plutôt aux vedettes de la Paramount, dont les photos sont scotchées au mur. Par exemple, Henri Garra et Marcel Chantal. Marcel Pagnol dit « non ». Et il refuse aussi les 500 000 francs que Bob Kane met sur la table. Rien ne l'arrête. Puis le réalisateur hollywoodien débarque en France. Il s'appelle Alexandre Korda. Il a 38 ans. Il est froid mais sympathique. Hongrois d'origine, il a travaillé en Autriche avant d'immigrer aux USA où il a conquis Hollywood avec un film muet Hélène de Troie. Après avoir assisté à 2 représentations de Marius, il est impatient de se mettre au travail. Lors d'une soirée bien arrosée, Alexandre Korda dit à Marcel Pagnol qu'ils vont faire le film tous les deux. Lui aux images et Pagnol aux paroles, parce que lui, il ne comprend rien à la voix. Puis Marcel Pagnol lui demande ce qu'il pense de ses acteurs. Et Alexandre Korda répond qu'il faut tous les engager et qu'ils deviendront célèbres. Quand Bob Kane apprend la nouvelle, il est furieux. Qu'est-ce que des comédiens de théâtre vont pouvoir faire devant une caméra ? Alexandre Korda lui répond que la question à se poser est plutôt « qu'est-ce que la caméra va faire d'eux ?» En mai 1931, le tournage de Marius commence dans les studios de la Paramount. Les acteurs qui en sont à la 800e représentation de la pièce connaissent parfaitement le texte. Mais un jour, il y a 2 problèmes avec Rému. Premier problème, lors d'une répétition en studio, Marcel Pagnol se rend compte que la voix de son acteur résonne un peu trop fort et il lui fait remarquer qu'il n'est pas au théâtre. Alors Rému répond que c'est dans sa nature de parler comme ça. Second problème, l'ingénieur son vient voir Pagnol et lui dit que la voix de Rému ne passe pas parce qu'elle est trop faible et que le résultat est inaudible. Alors Rému se met en colère et traite l'ingénieur son de téléphoniste. Ces deux problèmes en disent long sur le matériel d'enregistrement de l'époque. Il n'y a pas de post-synchronisation. Tout est capté en direct avec un micro à condensateur. Puis la séquence est mémorisée sur un magnétophone à bande en caoutchouc. Ces appareils ont été mis au point par une firme américaine, la Western Electric Company. Mais comment faire pour que la voix de Rému ait suffisamment de relief pour laisser son empreinte ? Marcel Pagnol, que rien n'arrête, a une idée. Elle consiste à exploiter tous les effets possibles de l'accent marseillais, même s'il est difficile à contrôler, parce qu'il produit beaucoup de décibels. Ceci à cause du mélange du provençal, via la poésie des troubadours, et de l'exagération, via le comique. Mais aussi, cet accent est très rythmé, ce qui permet d'éviter, quand les émotions sont au maximum, d'avoir une voix de petit chien qui aboie dans un tonneau, comme avec Bessie Love dans Broadway Melody. De plus, Marcel Pagnol n'ignore pas la leçon de comédie que donne Shakespeare, le plus vaste génie que l'humanité ait jamais produit, selon lui. On lit ça dans Hamlet à l'acte 3. « Et n'allez pas fendre l'air avec votre main comme ceci, mais soyez mesurés en tout, car dans le torrent, dans la tempête, dans l'ouragan, dirais-je même, de la passion, vous devez trouver et faire sentir une sorte de retenue qui l'adoucisse. » N'est-ce pas là un art de parler dans le microphone Western électrique ? Pour les scènes en extérieur, l'équipe va à Marseille et filme au quai de Rive-Neuve, sur le Vieux-Port. Une fois fini, le film fait 140 minutes. Mais la production pressée de vendre les versions allemandes et suédoises sur le marché européen exige qu'on en coupe 40 minutes au minimum. Marcel Pagnol refuse en bloc, rien ne l'arrête. Il a gain de cause. À sa sortie, le film est un succès. Il y a 250 projections quotidiennes à Paris et les salles sont combles. Le film enregistre des recettes colossales, mais les critiques sont dures. On reproche à Pagnol ses galéjades et son manque d'imagination. Puis l'été suivant, comme rien ne l'arrête, Marcel Pagnol revient au théâtre et il écrit la suite de Marius, Fanny. Marcel Pagnol prévoit la même distribution que pour Marius, mais comme cette pièce n'a pas beaucoup de succès, il décide de l'adapter au cinéma. Alors il réécrit certains dialogues et rajoute des scènes en extérieur. Mais la Paramount refuse de produire ce film au prétexte que la mode du sérial est finie et qu'en ce moment, aucune suite de films n'obtiendra de succès. Bob Kane est désolé. Alors comme rien ne l'arrête, Marcel Pagnol demande à un producteur français, Roger Richebet, de l'accompagner. Et il fonde sa première entreprise, les films Marcel Pagnol. Et il participe au financement. La preuve, un jour, on le voit qui retire à la banque 1 million de francs en liquide et qui remet les billets à Roger Richebet en présence d'un avocat. Alors il est décidé que ce sera Marc Allégret qui réalisera Fanny. Il connaît Rému, avec lequel il a déjà fait 2 films. Pendant le tournage, Marcel Pagnol ne le dirige pas, il le laisse faire à sa façon. Et comme Marcel Pagnol est toujours aussi obsédé par le son, il dit que tous les cinéastes ont la maladie du muet et que c'est pour ça qu'ils font des shots de 25 secondes, ce qui est trop court pour un acteur dont on entend la voix, parce qu'on ne peut pas jouer la comédie en 25 secondes. Alors Marc Allégret suit ses conseils concernant les shots. Mais très vite, leur relation devient difficile. En effet, pendant le tournage, qui commence le 6 juin 1932, au studio de Boulogne-Billancourt, le réalisateur est vite agacé par Marcel Pagnol, qui se mêle de mise en scène. À cela s'ajoutent les plaisanteries, qui fusent sur le plateau, parce que Marcel Pagnol aime rire avec ses amis comédiens. Rien ne l'arrête. Marc Allégret se replie sur lui-même et il devient distant et mystérieux. Quand l'été arrive, cap sur Marseille. Pour les scènes en extérieur, on tourne aux abords du Vieux-Port, dans les rues chaudes. ou au pied de Notre-Dame de la Garde. André Gide, amant d'Allégret et futur prix Nobel de littérature, fait même de la figuration. Il note dans son journal. On tourne les extérieurs de la Fanny de Pagnol. Les sergots réquisitionnés suffisent mal à maintenir à distance l'affluence des désœuvrés du vieux port. On tend des cordes. Entre deux prises de vue, la circulation des trams et des autos se rétablit et, en dépit des ordres, le champ de travail est envahi par une quantité de badauds qu'on ne refoule à nouveau qu'à grand-peine. À sa sortie, Fanny est le film événement de la rentrée cinématographique. Il est à l'affiche de 5000 salles et ses recettes pulvérisent tous les records. Il y a même deux remakes, un en Italie et un autre en Allemagne. Puis Marcel Pagnol commence sérieusement à se demander si un jour il ne réalisera pas un film, lui aussi. La chose est bien engagée parce qu'il vient d'acquérir à Marseille, au cœur du quartier du Prado, au fond de l'impasse des Peupliers, pas très loin du rond-point, des bâtiments vétustes dont il va bientôt faire des studios. Rien ne l'arrête. Mais aussi, il se met à rêver de tournages dans les collines et de faire ici un Hollywood méditerranéen. Oui, vous m'avez bien entendu, un Hollywood méditerranéen, rien ne l'arrête. Puis, Marcel Pagnol signe un contrat avec les éditions Grasset concernant les droits d'adaptation cinématographique de 5 livres de Jean Giono. Colline, Regain, Un de Beaumugne, Jean le Bleu et Le Serpent d'Étoiles, cession consentie pour la somme de 50 000 francs. Mais Jean Giono, qui approuve ce contrat parce qu'il a besoin d'argent, ne cache pas son antipathie et dit que Pagnol a du talent et pas de génie, et que Pagnol donne de la Provence une idée fausse, parce que Marius ne peut pas rêver de grands voyages sur la mer et que c'est du délire. Un an plus tard, comme Marcel Pagnol est très riche et libre de toute attache financière et que rien ne l'arrête, il est à la tête d'un véritable empire cinématographique. Si avec les films Marcel Pagnol, il assure la distribution de ses films, il crée également les auteurs associés pour en assurer la production, plus une revue, les cahiers du film, pour exprimer ses idées sur le cinéma parlant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout les auteurs associés. Cette société s'inspire des artistes associés créés aux USA par Charlie Chaplin et Douglas Fairbanks et Mary Pickford pour que les cinéastes puissent s'affranchir des financiers. Alors, un jour de 1934, on voit Marcel Pagnol au volant d'une superbe Peugeot qui roule dans des sentiers raides et tortueux. On est en Provence. Ici, il est chez lui, dans un studio de cinéma à ciel ouvert. Il cherche justement un endroit pour construire les décors de son prochain film qui s'intitule « Angèle ». Il trouve vite le lieu idéal, le vallon de Marcelin. Voilà, c'est là qu'il veut faire construire la maison d'Angèle. Fais-moi la maison d'Angèle comme si elle y vivait réellement, dit-il au décorateur. Mais comme l'accès au vallon est difficile, le tournage est pharaonique. Il met tout en œuvre pour rendre carrossable 8 km de sentier afin d'acheminer les 4 tonnes du véhicule du groupe électrogène. Rien ne l'arrête. Et le camion son Western électrique, rien ne l'arrête. Et la caméra, rien ne l'arrête. Et aussi l'équipe technique, rien ne l'arrête. Et les acteurs, rien ne l'arrête. Les terrassiers ouvrent la route à coups de pics et de pioches, rien ne l'arrête. Et de barre à mine, rien ne l'arrête. Et un artificier piémontais est même appelé en renfort pour défoncer les roches à coups de dynamite, rien ne l'arrête. Dès que la date du tournage est fixée, c'est une véritable caravane qui s'enfonce dans les collines et la garrigue. Le ciel est bleu, le soleil brûle, et souvent il faut descendre des véhicules dans les virages afin d'éviter qu'ils ne basculent dans le vide. Rien ne l'arrête. Mais comme Marcel Pagnol est courageux et prévoyant, en plus d'avoir une impressionnante musculature et des biceps de lutteur, il n'y a pas d'accident. Rien ne l'arrête. Une fois sur place, les travaux continuent. Marcel Pagnol fait poser des rails d'une dizaine de mètres pour les travelling. Rien ne l'arrête. Et quand tout est installé, C'est 60 personnes qui s'activent dans tous les sens. Rien ne l'arrête. Dont Oran de Mazis, qui joue le rôle d'Angèle, rien ne l'arrête. Et Fernandel qui est heureux, parce que c'est la première fois qu'on lui propose un rôle où il arrête de faire rire, avec son faciès ingrat. La preuve, il a même un fan au comportement étrange. Marcel Pagnol le surnomme le Spunz, mot dont personne ne sait l'origine. Vient-il d'Europe de l'Est ou du folklore yiddish ? Peu importe. Il a un équivalent en provençal, fada. Alors ça donne à Marcel Pagnol l'idée d'un prochain scénario qui pourrait s'intituler tout simplement le Spunz. Puis comme rien ne l'arrête, il travaille à un nouveau film, César. C'est la suite de Marius et Fanny. Ce film est important parce que c'est la première fois qu'il écrit directement pour le cinéma, même s'il a déjà réalisé 7 films. Geoffroy en 1933, Le gendre de Monsieur Poirier la même année, Merlus en 1935, Cigalon la même année, Topaz en 1936 et bien sûr Angèle. Rien ne l'arrête. Alors un jour on voit Rému qui attend Pagnol dans son bureau parisien. Il fume cigarette sur cigarette en feuilletant le scénario. Il lit ça sur la première page. Le film commence par l'enterrement de César. Quand Marcel Pagnol arrive, Rému lui dit qu'il ne peut pas l'enterrer dès la première image du film. Pagnol lui explique que c'est la dactylo qui s'est trompée et qu'elle a confondu César et Panis, parce qu'en réalité, il s'agit de l'enterrement de Panis. Est-ce une duperie de Pagnol pour convaincre Rému d'accepter le rôle ? Nul ne le saura jamais. Alors Pagnol est heureux, parce qu'il comprend que son acteur fétiche veut vraiment continuer de travailler avec lui. Il a raison depuis Marius, César c'est lui, le père de famille, au bras velu, patron du bar de la marine. Mais pendant le tournage, les relations sont tendues entre Pagnol et les acteurs. Pierre Fresnay, qui joue le rôle de Marius, comme dans Marius et Fanny, lui dit un jour qu'il doit partir au plus vite, parce qu'un autre contrat l'attend. Alors ça vexe Marcel Pagnol, et le dernier jour de tournage se passe mal. Pierre Fresnay est sur le Prado, au milieu d'un boucan infernal, d'automobiles et de tramways, pendant que Pagnol fait un long travelling, et l'acteur trouve cela pénible à cause du bruit. Rému est aussi mécontent. Il se plaint des studios marseillais, qui sont étroits, et des installations qui sont sommaires. Il dit que c'était mieux à Billancourt. Marcel Pagnol lui répond qu'ici au moins, ils sont chez eux et lancent « Avec nous, pas besoin d'aller à Hollywood ». Rien ne l'arrête. Puis il dit un jour « Et si nous allions faire un tour à la ferme d'Angèle ?» Il a une idée derrière la tête. Un nouveau film, « Regain », qu'il veut tourner sur un plateau dominant la ferme d'environ 80 mètres de haut. Quelques mois plus tard, on voit une vingtaine d'hommes qui s'affairent, plus 30 manœuvres qui arrivent en renfort. Rien ne l'arrête. Il y a des carriers, rien ne l'arrête. Il y a des plâtriers, rien ne l'arrête. Il y a des maçons, rien ne l'arrête. Il y a des charpentiers, rien ne l'arrête. Il y a des carreleurs, rien ne l'arrête. Il y a des ferronniers, rien ne l'arrête. Il y a des mécaniciens, rien ne l'arrête. Il y a des bûcherons, rien ne l'arrête. Quel chantier ! De la ferme en contrebas, leur voix résonne, répercutée en écho, la sueur au front, on est dans les caillasses et la poussière des sentiers. Parfois on ouvre encore des passages avec de la dynamite, rien ne l'arrête. Puis on construit un téléphérique pour hisser 40 tonnes de ciment, du plâtre, de la chaux et du sable, parce que cette fois on ne construit pas une ferme, mais un village en ruine. Rien ne l'arrête. Pendant le tournage, des amis lui rendent visite. Jean Renoir, Arthur Honegger et Noël Noël. Il y a aussi beaucoup de badauds qui veulent voir la ferme d'Angèle parce que ce film a été un succès. Et chacun repart avec un souvenir et la ferme est pillée. Alors Marcel Pagnol fait mettre des pancartes avec écrit dessus « Danger mine ». Mais comme ça ne dissuade pas les gens, il décide de transformer ce lieu en parcours touristique. Chaque samedi à 10h, au départ de Marseille, un autobus propose aux touristes et aux vacanciers de visiter pour 10 francs le plus grand chantier cinématographique de France, rien ne l'arrête. Mais Marcel Pagnol va encore plus loin et repousse ses limites. Il tourne le Schpoutz en même temps que Regain. Alors les acteurs des deux films sont mobilisés et habitent ensemble, et parfois même alternent les scènes. Oran de Mazis et Fernandel ont un rôle dans chaque film, et parfois ils ne savent pas comment s'habiller et mélangent leurs textes, parce qu'on tourne Regain en extérieur, quand il y a du soleil, et le Schpoutz dans les studios de Marseille, quand il pleut. Le jeudi 28 octobre 1937, c'est la première mondiale de Regain, et c'est un succès. Et les éloges sont dithyrambiques, mais le Schpoutz est mal accueilli par la critique. Pourtant, le public rit beaucoup devant Fernandel, comme par exemple quand il déclame l'article 12 du code pénal Napoléon et répète un nombre infini de fois « Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. » Le succès de Regain encourage Marcel Pagnol à continuer d'adapter les livres de Jean Giono, et un jour, alors qu'il est dans un train, il découvre une nouvelle de l'écrivain intitulée « Le boulanger, le berger Aurélie », publiée dans la Nouvelle Revue Française. Ça raconte l'histoire d'un boulanger qui refuse de faire du pain parce que sa femme l'a quitté pour un berger. Alors il a l'idée de faire un nouveau film. Il s'enferme dans un hôtel en Ardèche et il écrit en 12 jours le scénario qu'il intitule « La femme du boulanger ». Puis il pense à Joan Crawford pour tenir le rôle de la femme. C'est une star d'Hollywood qui travaille sous contrat avec la MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer, et ça lui rappelle la séance de cinéma au Palladium de Londres où il a découvert Broadway Melody de Harry Beaumont, produit justement par la MGM avec sur l'affiche ces trois mots « singing, talking, dancing ». Voilà, il admire Joan Crawford qui est comme Bessie Love, une image qui parle, avec sa voix enregistrée, mais qui ne fait pas penser à un petit chien qui aboie dans un tonneau quand elle sanglote. En effet, elle est une des rares actrices à être passée du cinéma muet au cinéma parlant. Et comme elle est glamour et sexy, elle s'est donnée naturellement du relief à sa voix. Mais il y a un problème. Joan Crawford ne parle pas très bien le français. Alors il réduit les répliques au minimum. 144 mots. Pas un de plus. Mais finalement, il renonce à elle et jette son dévolu sur Ginette Leclerc. Le tournage en extérieur se fait au Castelet, où il loue et aménage, pour son équipe, l'ex-propriété de Louis Lumière, l'inventeur du cinématographe. Rien ne l'arrête. Juste à côté, il y a le Cercle Républicain, où le boulanger interprété par Rému boit de l'absinthe pour oublier sa femme. Et Marcel Pagnol lui assure un certain confort de travail. Pas de scène tournée avant 13 heures et pas de long plan séquence. Mais concernant les scènes en intérieur, à Marseille, Rému doit accepter d'être à l'étroit chez Marcel Pagnol, d'autant plus qu'il y a beaucoup de Mistral et qu'ils sont souvent en studio. Parce que Marcel Pagnol a eu l'idée de reconstituer entièrement la place du village. Alors, quand le tournage commence, on voit Rému qui apparaît dans la caméra, apprêté, maquillé et moustachu. Puis, au printemps 1938, la MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer, annonce à Marcel Pagnol un remake américain de Marius Fanny César. La négociation se fait à Paris, via un auteur et scénariste d'Hollywood qui parle un français impeccable, Preston Sturges. La somme qu'il propose pour adapter le scénario est énorme et Pagnol accepte, rien ne l'arrête. Ce remake ne respecte pas la trilogie. Les trois films sont condensés en un, mais ça ne fait rien, étant donné que le film est destiné à un public anglophone. Le réalisateur choisi est un maître de l'épouvante. Il s'appelle James Whale. Il s'est fait connaître avec Frankenstein et L'Homme invisible. En tête d'affiche, il y a Wallace Beery dans le rôle de Marius, qui a déjà joué dans L'île au trésor et Viva Villa, et Maureen O'Sullivan dans le rôle de Fanny, qui a interprété Jane aux côtés de Johnny Weissmuller dans Tarzan. Ce film s'intitule Port of Seven Seas. En français, ça fait le port des sept mers. Le jour de la première, Marcel Pagnol est invité à New York, mais il prétexte une légère indisposition et annule sa venue. La vérité, c'est qu'il craint l'avion. Voilà, il est paniqué à l'idée de voler. Signe d'un tempérament qui aime tout contrôler, il est aviophobe. Cette peur est tellement forte qu'il annule même le tournage d'un film au Canada, dans les grandioses montagnes rocheuses, dont le scénario s'intitule « Le premier amour ». L'histoire qu'il raconte rompt complètement avec ce qu'il a écrit jusqu'à aujourd'hui. Ça se passe pendant la préhistoire, 10 millions d'années avant Jésus-Christ. Rien ne l'arrête. Pour l'écrire, il a lu beaucoup d'ouvrages de paléontologues et « La guerre du feu » de J.H. Roni. Ce scénario, Marcel Pagnol le reprendra toute sa vie. Il tentera même de le tourner lui-même, en Provence. Mais ce film ne se fera jamais, même si William Wyler sera pressenti un jour pour le tourner. William Wyler, réalisateur de Ben Hur, en 1959 avec Charlton Heston. Ben Hur, péplum épique à très grand spectacle, avec bataille navale, course de chars, crucifixion du Christ. C'est dommage parce que, dans Le premier amour, Marcel Pagnol avait tout prévu. Il pensait qu'avec des vaches, il était possible de faire des aurochs. Il pensait qu'avec des chevaux, il était possible de faire des cerfs. Il pensait qu'avec des hommes en peau d'ours, il était possible de faire des ours. Il rêvait même d'une grotte d'où sortirait une bête énorme, à mi-chemin entre le monstre du Loch Ness et le Tyrannosaurus. Rien ne l'arrête. Dans les collines, on voit un camion électrique western. Dedans, il y a un groupe électrogène. Moteur. Des kilomètres de sentiers et dans les virages, le vide et la stridulation des cigales dans ce paysage aride. Moteur. On entend des explosions, on ouvre la route à la dynamite pour faire passer le camion. Moteur. Puis la Seconde Guerre mondiale éclate. Alors que Marcel Pagnol est en plein tournage d'un nouveau film qui s'intitule La fille du puisatier, il apprend la défaite de l'armée française. Ce qui complique les prises de vue. Parce que l'état de siège est proclamé et que tout responsable d'un rassemblement de plus de 5 personnes est puni de la peine de mort. Mais comme rien ne l'arrête, il continue. Dans le rôle principal, il y a Josette Day, dont il vient de tomber amoureux. C'est une belle blonde, à la beauté froide. Il vit avec elle une grande passion. Il nage dans le bonheur. C'est alors que les bureaux de la propagande française le prient de mettre dans son film des sentiments conformes à la Révolution nationale. Mais Marcel Pagnol refuse de coopérer et place dans une scène l'allocution de Pétain à la radio qui annonce la capitulation avec ce commentaire. Les morts des batailles perdues sont la raison de vivre des vaincus. La censure n'ose pas couper et le film a du succès en zone libre, mais 3 mois plus tard, un ordre arrive de la commandante Tour. Il doit être retiré des salles immédiatement. Rien ne l'arrête sur le plus grand chantier cinématographique de France, qui sera bientôt un parcours touristique. Moteur. Avec nous, pas besoin d'aller à Hollywood, dit-il en tirant sur sa cigarette. Rien ne l'arrête, rien ne l'arrête, rien ne l'arrête. Moteur. Puis Marcel Pagnol achète un château dans lequel il veut construire une cité du cinéma, composée de studios de tournage, de résidences pour les équipes et pourquoi pas d'un supermarché. C'est le château de la Busine. Il achète sans l'avoir vu, dit-il, par le biais d'un marchand de biens. Et dès qu'il en fait l'acquisition, il déménage tout le personnel des studios du Prado, les hommes du son en premier, suivis par les opérateurs des prises de vue, et les techniciens des laboratoires. Mais alors qu'ils commencent à faire du repérage sur le domaine pour les travaux d'aménagement, son souffle s'arrête et il se met à courir, parce qu'il croit reconnaître le canal de son enfance, celui qu'il suivait avec ses parents, tous les week-ends, du terminus du tramway à la treille. Est-ce une coïncidence ou une illusion ? Impossible à dire. Même lui l'ignore, mais une chose est certaine. Il prend conscience pour la première fois de son passé. Pour la première fois, il commence à se poser des questions sur ses origines. Qui est son père ? Qui est sa mère ? Une réponse lui sera donnée 15 ans plus tard, non pas avec le cinéma, mais avec la littérature. Quand il écrira « La gloire de mon père » et « Le château de ma mère » et aussi « Le temps des secrets ». Puis un jour, alors qu'il travaille dans son bureau, un Allemand apparaît. L'homme lui dit qu'il s'appelle Alfred Greven et qu'ils se sont connus en 1931 à Berlin à l'occasion de la 200e représentation de Marius et qu'ils ont bu des verres ensemble toute la soirée. Et qu'il est maintenant le directeur du cinéma allemand pour l'Europe entière et qu'il a pour mission d'extraire le cinéma français de la main des Juifs et qu'il aimerait bien que Marcel Pagnol l'aide. Les jours suivants, il lui envoie même un Ausweis permanent pour qu'il puisse franchir librement la ligne de démarcation. Marcel Pagnol n'a aucune sympathie pour l'occupant et refuse de coopérer, et pour marquer sa détermination, il détruit un jour à la hache les bobines d'un film en cours de tournage intitulé « La prière aux étoiles ». C'est 5 mois de travail et 6 millions de francs qui sont sacrifiés. Rien ne l'arrête. Puis, il trouve aussi préférable de vendre sa société Les Films Marcel Pagnol à Gaumont pour 35 millions de francs et il renonce à son poste de directeur général. Rien ne l'arrête. Alors son projet d'Hollywood provençal s'évanouit, ainsi que son rêve d'une cité du cinéma. D'ailleurs, le château de la Buzine vient d'être réquisitionné par les Allemands. Et comme il craint que Alfred Greven réagisse violemment, il profite d'une légère blessure à l'œil pour faire croire qu'il est presque aveugle et qu'il est très malade. Rien ne l'arrête. Mais les ennuis continuent, parce que le magazine Life publie dans son dernier numéro une liste de personnalités à fusiller après l'occupation et que le nom de Pagnol est cité. Puis son histoire d'amour, avec Josette Dey vire au cauchemar. Depuis quelque temps, il a le rôle cruel du vieil amant, il a 47 ans, et elle, celui de la jeune maîtresse, inconstante et frivole, elle a 27 ans. Voilà, elle ne veut plus d'un Pygmalion, et elle le quitte, et il a le cœur qui saigne. Mais comme il ne lui en veut pas, il lui fait rencontrer Jean Cocteau, et elle interprétera bientôt La Belle, dans La Belle et la Bête. Alors, d'alertes aériennes, en attentats de la Résistance, en passant par les fusillades des nazis, Marcel Pagnol décide de reprendre contact avec une jeune actrice qui s'appelle Jacqueline Bouvier. Il l'a entrevue en 1938 lors d'une audition. Il ne sait pas pourquoi, il se souvient d'elle. C'est plus fort que lui. Un jour, il lui téléphone. Elle décroche aussitôt. Sa voix est cristalline, limpide. Elle rit. Il lui dit qu'il a envie de la revoir. Elle répond qu'elle en serait ravie. Alors Marcel Pagnol et Jacqueline Bouvier ont un premier rendez-vous et ils tombent amoureux l'un de l'autre. Puis un jour, elle lui explique qu'elle a failli prendre Fanny comme nom de scène parce que c'est le prénom de sa grand-mère. Alors il l'aime encore plus et elle devient son brin de poésie. Puis ils vont se réfugier dans un moulin dans la Sarthe et ils vivent une folle passion. Elle, elle pourrait le suivre au bout du monde. Et lui, il retrouve sa jeunesse. Ils ont la même différence d'âge qu'avec Josette Dey, mais leur amour est beaucoup plus profond et leur passion plus tendre. Rien ne l'arrête. Puis c'est le débarquement des Alliés en Normandie en 1944. Et Marcel Pagnol est accusé d'avoir été un collaborateur. Mais heureusement, Jean Renoir, qui vit maintenant aux USA, prend sa défense et dit que la plupart des réalisateurs qui ont tourné pendant l'occupation travaillaient pour des firmes allemandes, sous le contrôle direct de Goebbels, alors que Pagnol, avec sa société, est toujours resté libre. Puis, il est nommé à la présidence de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la SACD, où il est chargé de constituer une commission qui dresse la liste des auteurs qui ont collaboré. Alors il met au point un questionnaire. 1. Avez-vous collaboré ? 2. Avez-vous dénoncé des gens ? 3. Si oui, certains de ceux que vous avez dénoncés ont-ils été exécutés ? Mais il ne reçoit aucune réponse. Un an plus tard, Marcel Pagnol pose sa candidature. À l'Académie française, au fauteuil 25, rien ne l'arrête. Puis il se marie avec Jacqueline Bouvier le 6 octobre 1945 à Malakoff et ils ont un fils. Mais Rému meurt, victime d'une syncope blanche. Et c'est une insupportable épreuve. Alors il se retient de pleurer, sans doute pour ne pas reconnaître dans ses propres sanglots ceux de Bessie Love dans Broadway Melody, qui ressemblait à un petit chien aboyant dans un tonneau. Ou alors peut-être qu'il s'en fout de sangloter et il verse quelques larmes. Alors ça fait non plus singing, talking, dancing, mais crying, crying, crying. Alors cette fois, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. Mais pourquoi ça s'arrête ? Ça s'arrête parce que Marcel Pagnol n'entendra plus la grande voix de Rému. Ça s'arrête parce que Marcel Pagnol n'entendra plus la pathétique voix de Rému. Ça s'arrête parce que Marcel Pagnol n'entendra plus les colères de Rému. Ça s'arrête parce que Marcel Pagnol n'entendra plus le rire de Rému. Mais heureusement qu'il y a les films. Ce qui fait dire à Marcel Pagnol que nous devons à la lampe magique qui rallume les génies éteints le sourire des amis perdus, mais aussi leur voix. Grâce à Western Electric, dont la technique d'enregistrement du son, dit-il aussi, relève de la sorcellerie. Je cite Marcel Pagnol. Il y a Western Electric, infiniment mystérieux et respectable, qui est le propriétaire de la machine à écrire les sons et nous prête un sorcier qui sait la faire écrire et parler. Matin pluvieux de mars, on voit Marcel Pagnol dans une capeline noire, veste courte à revers de renard argenté, deux roses posées sur le cœur, suivi de sa femme et de deux autres amis. Voilà, il est quai de Conti. Voilà, il est enfin reçu à l'Académie française. Voilà, il va faire un discours. Voilà, il est filmé. Voilà, c'est la première fois qu'un académicien est filmé. Sans doute parce qu'il est le premier cinéaste à y entrer, rien ne l'arrête. Lu sur le web à http://www.académie-française.fr/les-immortels/les-40-aujourd'hui. Rubrique 725 immortels, entrée Marcel Pagnol à droite de votre écran, puis cliquez la case rechercher et vous verrez apparaître ça. Marcel Pagnol élu en 1946 au fauteuil grand officier de la Légion d'honneur, commandeur des arts et des lettres, commandeur des palmes académiques, cinéaste, auteur dramatique, romancier, né à Aubagne le 28 février 1895, mort à Paris le 18 avril 1974. Mais on n'est pas en 1974. C'est Rému qui est mort et pas Marcel Pagnol. Marcel Pagnol n'est pas encore un esprit. Marcel Pagnol n'est pas encore celui qui dira ça à un journaliste qui lui demande qui il aurait voulu être. Réponse, n'importe qui en l'an 2000. Voilà, Marcel Pagnol n'est pas encore réincarné en n'importe qui. Ça pourrait être qui, n'importe qui en l'an 2000. Steve Jobs, Barack Obama, Zinedine Zidane, Michael Jackson, Robert Redford, Johnny Hallyday, Miss America, Jean-Paul Gaultier, Lady Gaga, Stephen King, personne ne sait. La preuve que Marcel Pagnol est bien vivant, c'est qu'il publie deux livres, Notes sur le rire et une traduction de Hamlet de William Shakespeare. Enfin, celui qui est pour lui le plus vaste génie que l'humanité ait jamais produit, l'inspire explicitement, rien ne l'arrête. Le premier livre est fondamental. Il permet de comprendre pourquoi la parole est si importante au cinéma. Marcel Pagnol part de la théorie du philosophe Henri Bergson sur le rire et développe des idées essentielles concernant la pagnolade, qui est, comme son nom l'indique, une scène comique inspirée par l'art dramatique de Pagnol. Oui, vous m'avez bien entendu. La pagnolade. On se trompe souvent en considérant la pagnolade comme héritière du théâtre de boulevard, mettant en scène des personnages gesticulant sans raison, comiques par le seul fait d'ouvrir la bouche. On se trompe souvent en considérant la pagnolade, composée de fainéants, blagueurs, toujours en train d'exagérer, avec cet accent si chantant qui sert à donner la touche d'exotisme indispensable pour vendre le produit à une clientèle avide de dépaysement. On se trompe souvent en considérant la pagnolade comme une épice augmentant la saveur d'un texte, à l'aide d'expressions compréhensibles, réduisant les Marseillais à l'insouciance, alors qu'à Marseille, les relations sociales peuvent parfois être très brutales, même très violentes. Marcel Pagnol explique en lui-même qu'il ne savait pas qu'il aimait cette ville avant qu'il en fît la découverte après 4 ans de vie parisienne. Dans ce livre, on découvre enfin que la pagnolade, c'est sérieux et que le rire est un chant de triomphe. Ainsi, pour mieux faire comprendre son art dramatique, Marcel Pagnol n'hésite pas à donner l'exemple du pétomane. Tous les soirs, de 8h à 9h, le pétomane, le seul qui ne paie pas de droit d'auteur. Mais aussi l'exemple des farces cruelles des empereurs romains, dont la distraction était d'enduire les chrétiens de résine fondue et d'y mettre le feu, ou de faire dévorer un esclave par une murène. Puis Marcel Pagnol conclut son livre par cette phrase « Dis-moi de quoi tu ris et je te dirai qui tu es ». Ce qui nous amène directement à sa traduction d'Hamlet. Hamlet qui est, de tous les personnages shakespeariens, le seul à être obsédé par le fait d'être ou d'être pas, hanté par la voix de son père via un spectre, comme Marcel Pagnol, est hanté lui-même par les voix des acteurs de son cinéma qui parle. Tout ça excite son imagination et il se met à rêver de films en couleur. Voilà, après avoir tout parié sur le son, il parie tout sur l'image en couleur. Alors il dit que bientôt, les films en noir et blanc auront rejoint les films muets. Cette technique de colorisation existe, mais c'est compliqué, parce qu'elle est sous licence américaine, le Technicolor. C'était déjà le cas pour le son, avec la firme Western Electric qui est implantée à Chicago. Mais aujourd'hui, l'époque a changé, parce que les Américains sont en train d'instaurer un leadership culturel qui n'a rien à envier à la propagande nazie pendant les années d'occupation. Alors un jour, Marcel Pagnol écrit une lettre au ministère de l'Information, rien ne l'arrête, pour expliquer que si l'État français continue à sacrifier le cinéma français pour obtenir de l'essence et du blé, les actrices américaines, qui sont d'une étonnante beauté minérale, imposeront au public français leurs chapeaux, leurs robes et leurs bijoux achetés à New York. Alors, Marcel Pagnol est révolté. Et c'est à ce moment qu'il découvre le roux color. Qu'est-ce que le roux color? C'est un procédé de colorisation de la pellicule, inventé par des Français, les frères Roux, qui permet, selon lui, de concurrencer les films américains. Alors il décide de tourner un film en roux color. C'est La Belle Meunière, avec dans les rôles principaux Tino Rossi, qui interprète Schubert, et Jacqueline Bouvier. Le 1er juillet 1948, c'est le premier jour de tournage. À la colle sur Loup, à côté de Saint-Paul-de-Vence, contrairement aux autres films, celui-ci nécessite un plan de travail compliqué. En effet, le roux color exclut pour les acteurs le maquillage et le fond de teint et le bronzage. Alors, entre deux prises de vue, on voit Tino Rossi et Jacqueline Bouvier sous des ombrelles. Mais aussi Marcel Pagnol doit adapter sa technique de prise de son, parce que Tino Rossi chante des leaders. Alors, on enregistre d'abord sa voix en studio, puis il chante par-dessus, pendant que ça tourne. Ensuite, Marcel Pagnol superpose les deux enregistrements. Rien ne l'arrête. À la sortie de La Belle Meunière, les critiques sont mauvaises. On dit que ce film marque une date dans le cinéma français, parce qu'il est en couleur, et non parce que c'est un bon film. Alors, il est très vite retiré de l'affiche, et la fortune de Marcel Pagnol part en fumée, 50 millions de pertes sèches. Mais aux États-Unis, La Femme du boulanger est un véritable succès. Et on lit dans le New York Times que dans ce film, il y a les plus belles prises de vue qui aient jamais paru sur un écran. Puis comme rien ne l'arrête, Marcel Pagnol se lance dans un nouveau film, Manon des sources. Fini le roux color. Ce film sera en noir et blanc, comme les précédents. Jacqueline Bouvier a le rôle principal. Le 16 juin 1952, le tournage commence à La Treille. Cette fois, Marcel Pagnol renoue avec une bonne partie de son ancienne équipe qui avait été écartée pour La Belle Meunière. Mais c'est difficile de travailler, à cause de la canicule. Tous les matins, Marcel Pagnol se lève à 5 heures. Il porte tout le temps un t-shirt et un chapeau de paille. Pour les scènes dans les collines, l'enclavement des décors naturels rend tout difficile, comme lors du tournage d'Angèle et de Regain. Alors le matériel est transporté à dos de mulet ou à dos d'homme. Et un jour de juillet, les robinets ne sont pas seulement à sec dans le film « Manon des sources raconte l'histoire de la source d'un village qui est obstruée par Manon », mais ils le sont aussi pendant les prises de vue d'une scène de procession où doit jaillir l'eau d'une fontaine. Alors Marcel Pagnol demande l'aide des pompiers d'Aubagne qui ravitaillent l'équipe en eau avec un camion citerne. Rien ne l'arrête. Puis les scènes d'intérieur sont tournées dans les studios Marcel Pagnol, rue Jean Mermoz à Marseille, qu'il a racheté pour 2 millions de francs à La Gaumont. Rien ne l'arrête. Dans ce film, jamais il n'a été aussi obsédé par le son. Du personnage de Monsieur Beloiseau, qui utilise un appareil contre la surdité, doté d'un casque et d'un microphone rappelant les conditions d'écoute, de Marcel Pagnol dans le camion son western électrique pendant les tournages de tous ses films, au personnage d'Hugolin, qui hurle sa déclaration d'amour, « Manon, ne cours pas, Manon, attends, Manon, je t'aime », effet sonore tendu au maximum, avoisinant la saturation, pour finir avec Manon qui se moque de l'accent marseillais en disant, ironique, « les lapingues » à la place de « les lapins ». Rien ne l'arrête. Dans ce film, jamais Marcel Pagnol n'aura approché d'aussi près le cinéma américain. Parfois, on dirait du John Ford. Ces Monument Valley, dans les collines provençales, qui sont autant d'étendues désertes, où Manon garde ses chèvres dans les pierres et les amas rocheux, entre le vide et l'infini, sous un soleil de plomb. Pionnière et conquérante, jeune fille fière et courageuse, tout ça, Alexandre Corda le comprend, qui dit à Marcel Pagnol que ce serait bête de ne pas en faire une nouvelle trilogie. Mais comme le film dure 4h30 et que Marcel Pagnol a du mal à s'adapter aux nouvelles règles du marché parce qu'il est habitué aux méthodes d'avant-guerre, maîtrise de la totalité de la chaîne de fabrication de ses œuvres, plus financement propre, aucun distributeur ne veut Manon des Sources. Alors il doit couper des scènes et le remonter. Ce qui fait dire à Marcel Pagnol, quand le film est enfin à l'affiche, que c'est un pantin désarticulé. Mais il réussit quand même à vendre sa version préférée à la télévision qui le diffuse en 1968 en 18 épisodes de 13 minutes. En effet, comme il y a été le président du 8e Festival de Cannes quelques années auparavant et que grâce à lui, on a décerné la Palme d'Or à un film produit pour la télévision, Marty, d'Elbert Mann, peut-être qu'il s'est fait des amis à l'ORTF. Puis, il apprend la mort de Bob Kane. Et il est triste, mais pas autant que pour Rému. Et il pense à faire lui-même un remake de La femme du boulanger avec Brigitte Bardot et Orson Welles, qui serait produit par la Warner. Mais à la place, il écrit un roman qui raconte l'histoire de Manon des Sources d'un point de vue littéraire. Rien ne l'arrête. Alors, sur une photo, on voit Marcel Pagnol, toujours d'une impressionnante musculature avec ses biceps de lutteur, qui tient un stylo, avec une feuille posée sur son bureau, un paquet de cigarettes américaines, des Lucky Strike à portée de main. Rien ne l'arrête. Il écrit ça. À 15 ans, elle s'appelle Manon parce que sa mère aimait interpréter Manon Lescaut de Puccini. Il écrit ça. À 15 ans, elle n'est bientôt plus la petite Manon. Il écrit ça. À 15 ans, elle crie « Il ment, la source a toujours existé. C'est eux qui ont bouché la source et c'est à cause d'eux que mon père est mort. » Il écrit ça. À 15 ans, elle taille ses vêtements dans de vieux costumes de théâtre. Il écrit ça. À 15 ans, ses cheveux coupés aux épaules sont dorés par le soleil. Il écrit ça. À 15 ans, ses yeux sont bleus de mer. Il écrit ça. À 15 ans, elle sera bientôt belle à faire peur. Il écrit ça. À 15 ans, elle a un trésor. Peigne, louis d'or, pince pour extraire les épines, une image de la Sainte Vierge, une photographie de son père et deux harmonicas. Il écrit ça. À 15 ans, elle lit Robinson Crusoe, l'Iliade et les chercheurs d'or de l'Alaska. Il écrit ça. À 15 ans, elle entend des hommes qui disent « Regardez-moi cette petite, on en mangerait. » Ou bien « Une fille nue, ça donne des idées, forcément. » Ou bien « Cette fille a peut-être 16 ans. » Il écrit ça. À 15 ans, elle confond un instituteur et un chercheur d'or. Il écrit ça. À 15 ans, elle court devant l'orage et elle envoie un baiser au tonnerre. Il écrit ça. À 15 ans, elle danse au soleil. Il écrit ça. À 15 ans, elle s'est tirée avec une fronde. Il écrit ça. À 15 ans, elle est comme inconsciente du danger, une fleur de fenouil entre les dents. Il écrit ça. À 15 ans, elle est la plus belle fille du pays, rien ne l'arrête. Il écrit ça, à 15 ans, elle appelle ses chèvres comme ça. Bibi, bibi, bibi, bibi, bibi, bibi, bibi, bibi, bibi, bibi, bibi, bibi, bibi, bibi, bibi, bibi. C'était « Spirit of Marcel Pagnol » de Christophe Fiat, dit par Stanislas Nordet, enregistré en public à Théâtre Ouvert le 5 mai 2014 dans le cadre de la radio sur un plateau. Conseillère littéraire Céline Geoffroy, Prise de son, montage, mixage, Sandrine Bréchaud, Émilie Couette, assistante, Clémence Boucher, réalisation, Blandine Masson. Vous pouvez réécouter et podcaster Spirit of Marcel Pagnol de Christophe Fiat sur le portail de la fiction de France Culture. Demain soir, on poursuit notre semaine cinéma dans les ateliers de la nuit. Le cinéaste Sébastien Bedbédé propose le film que nous tournerons au Groenland. En attendant, il sera bientôt minuit, vous écoutez France Culture et vous passez avec Alain Weinstein du jour au lendemain.